L'armée a toujours été un peu présente, mais l'armée, en fait, elle est faite de plusieurs blocs. Je ne crois pas, moi, un pouvoir autoritaire. Le précédent a été autoritaire. De toute façon, l'autoritarisme d'État, il a toujours été là. Ils disent qu'ils veulent faire un gouvernement avec une large place aux civils. Toute la question est de savoir comment ces jeunes, lettrés, vont pouvoir être intégrés, pris en compte. Est-ce qu'ils vont même le vouloir? Est-ce qu'ils vont être capables de s'affirmer?